Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le Bureau burundais de normalisation alerte sur l'existence du plomb à un niveau élevé dans plus de 50% des marques de peinture utilisées au Burundi. Il contient du métal lourd nocif pour la santé humaine et devrait être progressivement éliminé, ce qui a fait l'objet d'échanges dans une réunion de la direction du BBN avec les fabricants et commerçants des peintures. Trois accidents signalés pour la seule journée de ce jeudi, perturbation de la circulation routière. Voilà le lot presque quotidien de conducteurs depuis que certaines parties de la RN3 sur le tronçon Rumonge-Nyanzalac se délabrent au jour le jour. Un expert en gestion et management des organisations fait remarquer que la faillite des coopératives s'explique aussi bien par le manque de formation de leurs leaders en matière de gestion que leur politisation à outrance. Vous l'entendrez. Des jeunes filles en situation de rue devenues de jeunes mamans malgré elles demandent à l'autorité compétente de les sortir de cette galère pour leur bien et celui de leur bébé. Notre reporter les a rencontrés dans les rues de Bujumbura. C'est un reportage que vous allez suivre. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le délabrement de la RN3 sur le tronçon Rumonge-Nyanzalac s'amplifie dans les parties non encore réhabilitées. De nombreux gros nids de poules se sont constitués, entraînant des accidents et perturbant la circulation routière. Alors que trois accidents ont été signalés pour la seule journée de ce jeudi, les usagers de cette route voudraient la reprise des activités de réhabilitation là où elles sont au point mort et leur accélération là où elles sont au ralenti. Jean-Pierre Misako. L'un de ces accidents a eu lieu sur la colline Gatete et c'est un camion de marque Fuso tombé sur le côté en tentant de franchir un nid de poules. Deux autres accidents ont eu lieu sur la colline Gachacha, au bord de la réserve naturelle forestière de Kigwena. Ici, la circulation routière a été coupée aux véhicules poids lourds, ne pouvant pas passer par une petite piste d'à côté. Il a fallu l'intervention d'une pelle chargeuse de l'entreprise Chico, réhabilitant le tronçon Rumonge-Nyanzalac pour tirer son camion de marque Actros de ce trou, mais pas pour longtemps, puisque son camion s'est brisé le ressort de derrière quelques mètres après. Un autre camion, lui aussi provenant de Nyanzalac, s'est coincé par après à son niveau. Un des conducteurs de son camion Actros déclare que de nombreux nids de poules se sont constitués côté Nyanzalac à partir de Mvugo en direction de Rumonge, en plus de la menace du lac Tanganyika. Lui et ceux faisant le transport Rumonge-Bujumbura demandent l'accélération des travaux de réhabilitation de cette route par l'entreprise Chico côté Rumonge-Nyanzalac et la reprise des activités au point mort depuis bientôt 5 mois au niveau de Minago dans le tronçon Rumonge-Gitaza pour l'entreprise Sogea Satom afin d'alléger la souffrance des usagers de cette route. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et plus de 50% des marques de peinture utilisées au Burundi contiennent des niveaux de plomb très élevés. Ce plomb contient du métal lourd, nocif pour la santé humaine et surtout pour les jeunes enfants, selon le directeur général du Bureau burundais de normalisation BBN. Lors d'une réunion avec les fabricants et commerçants des peintures, il a indiqué que l'élimination de ce plomb est d'une urgence capitale, mais qu'elle se fera progressivement. On écoute les explications de Samuel Ndayiragijet, directeur général du BBN. Des études qui ont été faites en février 2024, en échantillonnage des peintures, et nous sommes rendus compte que 58% des échantillons contenaient des teneurs élevées en plomb. La teneur maximale ou la norme, elle est fixée à 90 ppm. quand je dis 90 ppm, c'est 90 parties par million. Ça signifie 90 grammes par tonne ou 90 mg par kilogramme. Tout ce qui est supérieur à ça rentre dans la toxicité. La toxicité du plomb réside dans ce que ça provoque une maladie qu'on appelle le sartinisme. C'est une maladie qui fait que les qualités cognitives d'un individu, surtout des enfants, sont perturbées. Il y a aussi même la perturbation des reins. Ça affecte jusque même à l'anémie. C'est un métal relativement ou à dose élevée. Donc, nous tenons à ce que les peintures vendues à l'échelle nationale, l'idéal c'est que ça soit exempt de plomb. Et nous sommes là, nous sommes prêts à aider, à accompagner les entreprises qui importent ou qui fabriquent les peintures à pouvoir les mettre sur le marché, une peinture exempte de plomb pour la sauvegarde de notre population. Les peintures qui sont fabriquées on y perd pour le moment. Dans un court laps de temps, on va les écouler, n'est-ce pas? Nous allons trop veiller sur des peintures qui seront fabriquées d'abord ou introduites au Burundi. Mais c'est une période de grâce qui ne devra pas être très longue. Samuel Ndayiragije, directeur général du Bureau burundais de normalisation BBN. Les locataires des maisons appartenant à l'Institut national de sécurité sociale dans le quartier Kinindo de la ville de Bujumbura et certains habitants exerçant leurs activités dans les alentours se plaignent des mauvaises odeurs des eaux usées provenant des canalisations. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters affirment que leur santé est en danger. Le service chargé des bâtiments à l'INSS, contacté par la rédaction, se garde de tout commentaire avant une visite de terrain. Le constat de Claude Itangishak. Ce sont certaines des personnes qui exercent diverses activités près des immeubles appartenant à l'INSS. Nous sommes au quartier Kinindo. Arrivé sur place, l'on est accueilli par des odeurs nauséabondes. Cela faisant suite à des eaux usées provenant de ces maisons d'habitation mises à location par cet Institut national de sécurité sociale qui ont débordé les puits perdus. Ce dernier lance un cri d'alarme. Nous passons beaucoup de temps sur place en attendant les clients. Nous demandons qu'une solution soit rapidement trouvée à cette situation. Pour préserver notre santé, nous préférons parfois quitter cet endroit et rester au parking en attendant les clients. Ces odeurs ont aussi provoqué la fermeture d'un cafétéria, des environs dans lesquels ceux qui y garent des voitures, taxis, prennent quoi mettre sous leurs dents, ajoutait-il. Les pertes sont énormes. Là-bas, nous avions l'habitude de faire des pauses pour boire du lait. Mais maintenant, c'est fermé à cause de cette mauvaise odeur. Certains des locataires de ces maisons d'habitation appartenant à l'INSS qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros disent être aussi sous menace de ces odeurs inhabituelles. Contacté Evelyne Massenge, chef du service chargé de la gestion des immeubles au sein de l'INSS, a dû ne pas être au courant de cette situation et qu'elle ne peut en dire quoi que ce soit sans toutefois avoir des informations à ce sujet. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les coopératives sont une voie efficace cheminant vers le développement du pays. C'est le point de vue de Diomède Ninheretse, expert en gestion et management des organisations, dans son analyse à la suite du constat que la plupart des coopératives n'ont pas pu rembourser les crédits contractés. Il fait remarquer que la faillite des coopératives s'explique aussi bien par le manque de formation de leurs leaders en matière de gestion que leur politisation à outrance. On l'écoute. Premières formes de coopératives ont été introduites par l'administration coloniale belge. Et souvent, c'est vrai, on a tendance à penser que les coopératives débitent aujourd'hui, mais c'est vraiment une activité ou une action qui a débité depuis longtemps. L'objectif pour l'administration coloniale belge était d'organiser les paysans pour mieux contrôler la production agricole. Et après, les coopératives ont été politisées. Après, bien sûr, les conséquences sont énormes. La faible capacité administrative et managériale, ça vraiment, on constate de plus en plus plus que le personnel, le bureau n'ont pas une certaine capacité nécessaire pour aller dans la bonne gestion. Manque d'outils de planification, bah, ce sont des coopératives qui n'ont pas d'outils de planification, qui n'ont pas des mécanismes de suivi, évaluation et de rapportage. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez les conséquences. Mais aussi, autre problème, c'est le problème de gouvernance. Voilà, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques dirigeants. On comprend que si la colline et le chef de coopérative se comportent comme un chef de file, on n'a pas encore compris le travail d'équipe, le travail de redevabilité, le travail de bien gérer la chose publique. Donc, voilà, il y a quand même une faible implication des membres dans la prise de décision. Voilà, il y a une certaine dictature au niveau de la direction des coopératives. C'est ce qu'on voit dans les rapports. Et voilà, un autre problème, non moins important, c'est le manque de transparence. Cet expert en gestion et management des organisations et professeur d'université ajoute que le Burundi devrait s'inspirer de l'expérience d'autres pays, entre autres l'Éthiopie et le Nigeria, qui ont réussi à construire des coopératives prospères. Encore une fois, Diomède Nineretse. Et l'exemple là de la région, c'est notamment l'Éthiopie. S'il y a l'Éthiopie qui a beaucoup des coopératives, ici je donnerai un exemple d'une coopérative dénommée Oromia Coffee Farmers Cooperative Union. C'est une coopérative fondée en 1999 qui regroupe plus de 405 coopératives. Voilà, qui est devenue le grand exportateur de café biologique d'Éthiopie. Et les Japonais, les Allemands, les Hollandais viennent acheter ce café-là, biologique. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de millions qui entrent. Un exemple aussi de la Malawi, ce qu'on appelle Muzuzu Coffee Planters Cooperative Union. C'est une coopérative qui regroupe plus de 2600 petits producteurs de café dans le nord du Malawi, les seules entreprises qui font rentrer beaucoup de devises pour ce pays. Voilà, donc je dis qu'il y a beaucoup d'exemples des coopératives qui ont réussi. Je me dis que le Burundi devrait copier ce modèle et pouvoir avancer vers les coopératives, mais les structurer, les renforcer la capacité pour pouvoir avancer vers cette économie que nous recherchons, surtout que le Burundi aujourd'hui se retrouve dans les pays les plus pauvres qui ne disposent pas des moyens suffisants. Les coopératives constituent un des moyens pour pouvoir effectivement augmenter la production au Burundi. Diomède Nineretse, expert en gestion et management des organisations dont les propos ont été recueillis par Ariela Naïchemi. Certaines filles en situation de rue disent ne pas être fières de leurs conditions de vie, déplorant qu'elles sont parfois violées jusqu'à être engrossées. Elle demande aux autorités habilitées de tout faire pour qu'elles sortent de cette galère et qu'elles puissent sauver leur vie et celle des bébés mis au monde contre le gré de leur jeune maman. Clovis Nyonguru les a rencontrés dans les rues de Bujumbura. Voici son reportage. Dans certains endroits visités de la mairie de Bujumbura, il s'observe des enfants en situation de rue composés de garçons et de filles. Là où nous sommes passés au boulevard de l'Iprona, à l'endroit dénommé Chekatikati, dans le quartier asiatique, à Bouiza, à Bouyenzi et au centre-ville, certains enfants étaient encore endormis et d'autres circulaient et couraient derrière les voitures pour commander de l'argent. Ces filles rapporte les difficultés qu'elle éprouve au quotidien. Nous ne nous sommes pas retrouvés en situation de rue inter-adulte. Nous sommes venus depuis notre enfance. Je n'avais pas encore mis au monde. J'étais engrossée étant en situation de rue. Pendant la nuit, il peut arriver un homme en possession de la voiture et nous propose de lui accompagner dans son domicile. Et par après, cet homme finit par nous violer sexuellement pendant la nuit. Pour moi qui suis maman, quelquefois un vieil homme peut m'approcher pendant la nuit étant endormi avec des tentatives de violence sexuelle. Lorsque je ne tire pas attention, il peut me violer ou me voler mon argent. Il demande de l'aide aux autorités compétentes pour qu'elles puissent sortir de cette situation. Ce qui est nécessaire pour nous qui avons des bébés, c'est de voir comment gérer la situation en nous mettant ensemble dans les centres d'encadrement adaptés pour sauver notre vie et celle de nos enfants. Selon ces enfants, leur arrestation et emprisonnement ne constituent pas une solution durable. Pour sortir de cette mendicité, j'estime qu'elle devrait bénéficier des capitaux pour exercer les activités génératrices de revenus. Clovis Niyonguru. Certains habitants de la zone Kamenge au nord de la ville de Bujumbura apprécient l'image de cette entité administrative qui a positivement changé au regard de nouvelles infrastructures modernes qui y sont érigées. Au micro de la radio Isanganiro, ces habitants demandent néanmoins aux autorités compétentes de résoudre le problème de manque d'eau potable dans ce quartier, précisant qu'ils peuvent même passer plus d'une semaine sans voir l'eau couler dans leur robinet public. Alexis Ndaiseng. Ici, nous sommes dans la zone Kamenge, précisément à la route goudronnée, divisant le quartier Gikizi et Milango 1. C'est au nord de la capitale économique Bujumbura. Arrivé là, on y aperçoit des infrastructures modernes, notamment les maisons en étage, les routes en pavé et goudronnées, ainsi que les autres bâtiments de différents services bancaires, à savoir la BCB, la Bankobo, CRDB, Kaze Microfinance et bien d'autres, qui montre effectivement l'évolution de l'image de la zone Kamenge comparativement aux années antérieures. Certains habitants de Kamenge apprécient cette image de Kamenge qui a positivement changé. Si je me réfère sur toutes ces avenues, en commençant de la première avenue à la cinquième, il y a vraiment un changement au niveau du développement. Des différentes constructions, que ce soit les bâtiments commerciaux, dispensaires ou hôpitaux, sont disponibles. Cette localité de Kamenge s'est vraiment développée parce que les dispensaires et même les hôpitaux ont été construits. Comparativement aux autres zones comme Buyenzi, il y a une différence au niveau du développement. Ici, voilà, les routes et avenues sont propres et bien d'autres. Chimaï René est l'une des administratives. Elle aussi confirme cette évolution, précisant que jadis, les maisons de Kamenge étaient construites en briques adobe. La localité de Kamenge atteint un niveau satisfaisant au niveau du développement. Auparavant, il y avait des maisons construites en briques adobe, mais aujourd'hui, on peut remarquer des bâtiments modernes. C'est une opportunité aussi pour moi, parce que je suis parmi les chargés de l'hygiène dans cette localité. Vraiment, à Kamenge, ça avance bien. Même si l'image de Kamenge a changé positivement, ses habitants ont soulevé la problématique du manque d'eau potable, soulignant qu'ils peuvent même passer une semaine ou plus sans être alimentés en eau potable. Ils demandent aux autorités habilitées de leur fournir de l'eau potable, car selon eux, l'eau est un élément indispensable dans la vie de tous les jours. Et pour boucler ce journal, les arriérés dus à certaines entreprises publiques et parapubliques s'élèvent à plus de 93 milliards de francs burundais au 31 décembre 2024. Cela ressort du rapport d'avril 2025 publié par le ministère des Finances. Selon ce rapport, les arriérés dus à l'entreprise Régie des eaux s'élèvent à plus de 15 milliards, alors que pour l'Office national de télécommunications Natel, ces arriérés s'élève à plus de 16 milliards de francs burundais. Ornella Mucho. Le rapport provisoire d'avril 2025 publié par le ministère des Finances révèle des arriérés envers les entreprises publiques et parapubliques s'élevant à plus de 93 milliards de francs burundais jusqu'au mois de décembre 2024. Ce rapport met en évidence des arriérés considérables concernant certaines entreprises se chiffrant à plusieurs milliards. Parmi elles, on retrouve notamment l'Office national des télécommunications Natel, dont les arriérés sont estimés à plus de 16 milliards de francs bou liés aux autres débiteurs à moins d'un an, aux clients de téléphonie fixe et aux comptes de régularisation actifs. L'entreprise Régie des eaux enregistre un total de plus de 15 milliards d'arriérés, principalement liés aux factures à crédit. Selon le rapport du ministère des Finances, l'Institut national de sécurité sociale, l'INSS, affiche des arriérés dépassant 42 milliards de francs bou, dont plus de 25 milliards en cotisations et plus de 17 milliards liés aux faits de guerre. À cela s'ajoutent les arriérés de l'Office national des pensions et des risques professionnels, ONPR, qui s'élèvent à plus de 3 milliards de francs-bouts. Les créances de l'ONPR concernent notamment l'avance sur les travaux de construction, les cotisations des enseignants et les dossiers des fonctionnaires décédés en 1972. Par ailleurs, d'autres entreprises publiques et parapubliques concernées par ces arriérés sont entre autres la Société d'assurance du Burundi, Globopod Service Burundi, l'Agence burundaise de presse ABP, la compagnie Burundi Airlines, l'Office d'IT du Burundi et l'Office des transports publics Otraco. Et c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.